Eh oui, on est comme ça chez Ixina. Vous faire plaisir, ça nous fait plaisir. En ce moment, jusqu'à 2500 euros offerts sur votre cuisine équipée. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions en magasin et sur ixina.fr. Et si les limites du modèle standard de la physique étaient juste là devant nous, si la physique avait enfin devant les yeux le début de la preuve qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il faut revoir ce modèle qui fonctionne certes très bien, mais si et seulement si 95% de l'énergie de l'univers nous est totalement inconnue. Ce coin dans la porte nous vient peut-être de l'une des particules élémentaires, le boson W. C'est la particule à l'origine de l'interaction faible, celle qui est responsable de la radioactivité. La masse de ce boson vient d'être une nouvelle fois analysé après 10 ans de travaux, et il y a un problème de taille, il est trop lourd. Boson W, c'est du lourd, c'est le programme élémentaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à ce boson W qui pose problème au modèle standard de la physique, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Yann Stark. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire des Deux Infinis à Toulouse. Et nous sommes en ligne avec Martin Boonkamp. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEA à Saclay. Mais on commence par celle qui allège chaque jour un peu plus le poids du monde en nous révélant les dernières nouvelles de l'actualité scientifique. C'est évidemment Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature et la création d'une nouvelle enzyme mangeuse de plastique. On est tous très conscients de la nécessité de se débarrasser des milliards de tonnes de plastique qui se sont accumulées sur Terre, y compris des 400 millions de tonnes que l'on produit chaque année. L'université de Toulouse et la société Carbios avaient déjà créé une enzyme capable de recycler le plastique. Cette équipe américaine vient d'améliorer ce procédé de dégradation enzymatique grâce aux avancées de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique. Les chercheurs ont créé Phasphétase, une enzyme beaucoup plus performante pour digérer le polymère polyéthylène terephthalate, le PET, qu'on trouve dans les bouteilles d'eau par exemple et qui représente 12% des plastiques que nous utilisons. Phasphétase peut hydrolyser des déchets plastiques plus rapidement en seulement quelques heures. Nathalie Gontard est directrice de recherche en sciences de l'aliment et de l'emballage à l'INRAE. Seulement, ils ont été capables de prédire l'activité de l'enzyme en fonction de sa structure tridimensionnelle, mais aussi de fabriquer cette enzyme en provoquant de façon volontaire les 5 mutations qui étaient nécessaires sur la bactérie Idonella sacayensis, qui est la bactérie initiale, enfin native, on va dire, qui est capable d'hydrolyser le polyéthylène terephthalate, le PET. Et donc c'est une étude qui est vraiment complète, c'est-à-dire que l'enzyme a été créée de HKZ et on est arrivé à la fin avec une enzyme qui était capable d'hydrolyser. En fait, on peut imaginer le polymère comme un collier de perles et l'enzyme comme des petits ciseaux qui vont être capables de séparer les perles du collier. Ensuite, une fois qu'on a séparé ces perles, on peut séparer les impuretés, qui permet de nettoyer plus qu'en profondeur le plastique qui a été utilisé, donc le déchet plastique. Et ensuite, on sépare les perles des impuretés et après, on reconstitue le collier, c'est-à-dire le polymère, donc le plastique tel qu'il était au départ. Mais, je ne veux pas jouer les rabat-joie, hein, mais il ne faut pas non plus imaginer des impacts extraordinaires, sachant que le PET ne représente que quelques pourcents des plastiques que nous utilisons, que ce PET est déjà recyclable via un procédé beaucoup plus simple qui s'appelle le recyclage mécanique, et qui consiste là, par contre, on garde l'écolier et on nettoie avec des flux d'air et de vide à haute température. Donc ça, c'est très très répandu, c'est beaucoup moins coûteux économiquement, environnementalement. Hein. C'est le principal procédé de recyclage des bouteilles en PET. Voilà, donc c'est une portée qui est quand même assez limitée. Et puis, surtout, c'est que l'élégance de cette démarche, elle ne doit pas nous faire oublier le danger de la pollution plastique et à la facilité avec laquelle on peut prévenir ce danger. C'est-à-dire que, au lieu d'utiliser une bouteille d'eau en PET, on peut tout simplement utiliser une gourde réutilisable. Donc il y a beaucoup de moyens de se passer de ce plastique. Voilà, et si vous voulez tout savoir sur cette nouvelle enzyme dévoreuse de plastique, on vous a mis, comme chaque jour, le lien sur notre fil Twitter, @lamethodefc. Et on passe au bref. La femme médecin française Marthe Gauthier est décédée samedi à l'âge de 96 ans. Marthe Gauthier, celle qui a découvert les mécanismes chromosomiques de la trisomie 21. Dans l'histoire de l'invisibilisation des femmes de science, elle est un cas d'école. Après une thèse en cardiologie pédiatrique sous la direction de Robert Debré et après une bourse d'études d'un an aux États-Unis, elle monte le premier laboratoire de culture cellulaire français en 1956. La chercheuse va alors effectuer des cultures cellulaires pour compter le nombre de chromosomes chez les enfants atteints du syndrome de trisomie 21. En 1958, elle identifie ce chromosome surnuméraire, mais en 1959, l'étude publiée a pour premier auteur son collègue Jérôme Lejeune, qui s'attribue l'entière paternité de cette découverte. La reconnaissance des travaux de Marthe Gauthier se fera tardivement. Voilà, et on vous renvoie également vers l'émission que nous avions consacrée justement à Marthe Gauthier et aux autres femmes invisibilisées dans les sciences. On vient de vous mettre le lien sur notre fil Twitter. En bref également, Natacha, selon l'ONG ASC, l'Aquaculture Stewardship Council, depuis hier, tous les poissons que nous consommons en France sont des poissons importés. Oui, l'ONG a calculé la date de dépendance à l'importation de notre pays. C'est un peu l'équivalent du jour du dépassement, mais pour les produits de la mer. Depuis hier donc, nous avons consommé tous les poissons issus des eaux françaises. Alors que notre nation est une grande puissance maritime qui produit beaucoup de pêche, notre consommation est telle que nous sommes également le cinquième pays importateur, avec notamment des importations massives de saumon, de thon, de cabillaud et de crevettes. Les importations représentent 2/3 de la consommation française. Les ONG rappellent les impacts environnementaux des importations et nous encouragent à consommer moins, mais mieux. Et enfin, selon une étude parue dans la revue The Astronomical Journal, nous avons détecté le plus brillant des pulsars. Pulsars, ce sont des étoiles à neutrons qui pulsent un fort rayonnement électromagnétique de façon extrêmement ponctuelle. On les surnomme d'ailleurs les phares galactiques. Depuis leur découverte en 1960, nous en avons détecté plus de 2000, en grande majorité dans notre galaxie. Cette équipe australienne a découvert le pulsar le plus brillant jamais détecté en dehors de notre voie lactée, dans le nuage de Magellan. Il est 10 fois plus lumineux que la plupart des pulsars extragalactiques. Selon les auteurs, avec leur nouvelle méthode de détection, nous devrions découvrir des pulsars extrêmes encore plus éloignés. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Le modèle standard de la physique a ceci de particulièrement agaçant, qu'il est d'une robustesse inégalée depuis plus de 30 ans, mais qu'il nécessite pour fonctionner des inconnus de taille, comme par exemple 95% de l'énergie totale de l'univers qui reste à l'heure actuelle faite de composants qui nous sont totalement inconnus. C'est pourquoi de nombreuses physiciennes et physiciens s'acharnent à essayer de trouver la faille, ce petit coin d'incohérence qui permettrait de compléter, voire de réviser ce modèle standard et d'expliquer ses apories. D'où le remue-ménage qu'a fait au début du mois d'avril l'annonce d'un problème de masse du boson W, la particule responsable de l'interaction faible, c'est-à-dire de la radioactivité. Ce boson W serait plus lourd que prévu, ce qui pourrait supposer l'existence d'une nouvelle particule inconnue et donc d'une fissure dans le modèle standard. Ce boson W, c'est l'une des dernières découvertes de la physique des particules grâce à l'augmentation en puissance des accélérateurs. Cette découverte remonte à 1983 et c'est notre archive du jour. Pour toute expérience scientifique majeure, la responsabilité de la preuve peut être terrifiante. Personne ne veut prendre position prématurément. Mais Carlo Rubbia et ses collègues étaient de plus en plus optimistes. Le 20 janvier 1983, ils se sentaient suffisamment confiants pour annoncer les résultats de l'expérience devant une salle bondée de chercheurs du CERN. À mesure que les données étaient examinées et analysées et que les derniers doutes étaient levés, la confiance se renforçait. Le 21 janvier 1983 à 15h, le CERN annonçait ce qui suit. UA1 a, parmi 1 milliard de collisions, observé 5 événements révélant la signature du boson W chargé. L'équipe UA2 a observé 4 événements sur un même nombre de collisions qui concordent avec la signature du W. Les expériences montées en vue de la découverte du W avaient réussi. Et vers la fin de 1983, le CERN put rendre public des résultats similaires pour la particule Z. Il se pourrait bien que l'événement de Genève soit par la suite considéré comme le plus grand pas depuis les expériences de Faraday vers la grande unification de toutes les forces de la nature. Voilà la découverte du boson W en 1983. Une réaction simplement peut-être à Yann Stark pour commencer cette archive. Ah, ça fait plaisir de voir ça. C'était moi j'étais à l'école à l'époque. Ça commence à dater un peu, mais c'est très bien de voir comment. Comment les manips du CERN arrivent à obtenir des résultats comme ça. C'est quand même, il faut se rendre compte, c'est le résultat du travail d'une équipe de centaines, voire milliers de personnes pour construire ces appareillages, des années de construction, d'exploitation, de prise de données, d'analyse, et de voir après des résultats comme ça qui en plus confirment un peu la théorie, c'est juste magnifique. Martine Bunkamp, vous vous souvenez également de cette découverte? Disons pas directement. Si vous étiez un peu jeune. Comme Yann, un peu. On était à l'école, mais par contre, nos glorieux anciens avec qui on travaille dans nos collaborations actuelles sont des gens qui ont souvent participé directement à la construction. À la conception, à la construction et à l'exploitation de ces expériences, et pour qui ça doit être un souvenir ému, oui, ce genre d'archives. Et c'est le boson W, c'est l'un des derniers d'une série, puisqu'il y a le découvert du quark top en 95, le neutrino toïque en 2000, le boson de Higgs, peut-être le plus célèbre parce que le plus récent est lié à la construction du LHC à Genève en 2012. Ce qu'il faut dire, c'est que ce modèle standard de la physique des particules qui a été proposé à la moitié du siècle précédent, du XXe siècle, il n'a été que dans le sens, Martine Bunkamp, d'une confirmation expérimentale, particule après particule. Oui, et ça, en fait, c'est un travail qui représente maintenant plus d'un demi-siècle. Hein. La construction théorique du modèle standard, ça date du milieu des années 60. Oui. Et puis le programme de vérification expérimentale de toutes les prédictions, comme vous dites, pas après pas, a occupé la communauté depuis les années 60, à travers les années 70, 80. Au LEP, une fois découvert le W et le Z, comme votre archive le mentionnait, le LEP, c'est un collisionneur électron-positron du CERN des années 90. On a eu l'opportunité d'étudier en très grand détail, avec une très grande précision, les propriétés du boson Z. Le Tevatron fonctionnait en parallèle aux États-Unis, et puis le LHC a fini par prendre le relais pour la découverte de la dernière particule. Ouais. Ce qu'il faut expliquer peut-être également Yann Stark, c'est qu'effectivement, en 2012, donc, on complète ce modèle standard avec le boson de Higgs, qui était la dernière particule que l'on attendait de découvrir, et qu'on a construit des équipements absolument invraisemblables. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un effort intellectuel, théorique et technologique gigantesque pour arriver à compléter ce modèle standard qui a abouti en 2012. Oui, et je tiens à souligner un peu la beauté théorique aussi de ce modèle. Donc, c'est un modèle qui décrit l'ensemble des constituants de la matière, des constituants fondamentaux de la matière, leurs interactions. Et on a mis un peu de temps à le comprendre, mais ce qui est très joli, on peut aujourd'hui l'exprimer en gros en 3 lignes, avec quelques arguments de symétrie, formuler la théorie la plus générale qui respecte un certain jeu de théorie. Et vous trouvez le modèle standard. C'est d'une beauté absolument énorme. Et c'est vrai que les expériences qu'il faut pour le tester, par exemple les accélérateurs et les détecteurs de particules au CERN, sont très grands, nécessitent beaucoup d'investissements humains, surtout pour les concevoir. Mais c'est très bien comment ça marche à la fin. Et alors, depuis 2012, donc, ce modèle, il est complet, il est solide, il est robuste, il est confirmé. Et depuis 2012, et même, bon, en vrai, depuis un peu avant, ce modèle, on cherche à le prendre par défaut parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, Martin Boomkamp, ce modèle, il est très robuste, mais il a des failles, il a des apories importantes pour le moment qui échappent à notre entendement. Oui, alors juste peut-être pour faire un petit pas en arrière, la mise en évidence ou la mise en défaut du modèle standard, c'est un programme expérimental qui a commencé dès les années qui ont suivi en fait la construction de ce modèle. Hein. Le premier pas très important du modèle standard, c'était d'interpréter les phénomènes de radioactivité, comme vous l'avez dit, comme la présence d'une particule lourde, donc le W. Qui serait à l'origine de cette radioactivité. Si cette particule est avérée, dans ce cas-là, on doit pouvoir la mettre en évidence et la produire directement dans un accélérateur d'énergie suffisante. Et c'était une des premières tentatives, si vous voulez, de vérifier ou d'infirmer ce modèle standard. Il s'avère que non seulement le W et le Z ont été découverts, mais en plus, ils ont été découverts assez précisément à la masse où on les attendait d'après les expériences de basse énergie. Donc ça, c'est une étape. Le quark top était attendu aussi également par des raisons théoriques assez précises. Et une fois le quark top découvert, on était capable de donner un intervalle relativement précis pour la masse du boson de Higgs. Et donc on savait que si le boson de Higgs existait, le LHC devait le trouver dans un intervalle d'énergie qui lui était accessible. En parallèle de tout ça, il y a eu en permanence des théoriciens qui ont pointé le fait que tout splendide qu'il soit mathématiquement, il était nécessairement incomplet. Alors il y a des arguments mathématiques sur lesquels on peut peut-être pas s'étendre, mais surtout le fait qu'il ne décrit pas tout ce qu'on voit, c'est-à-dire il est capable de décrire avec une très grande précision les particules élémentaires que l'on connaît et leurs interactions, mais comme vous l'avez dit plusieurs fois, l'univers est composé à 95% de quelque chose qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres phénomènes également que le modèle standard ne peut pas expliquer. Et donc les théories ont été mises en place assez tôt pour essayer de prédire soit des nouveaux phénomènes, des nouvelles interactions, des nouvelles particules. Pour essayer d'expliquer ce que le modèle standard ne couvrait pas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on pense aujourd'hui que si il y a matière à amender ou à compléter ou à préciser ce modèle standard, c'est-à-dire à en trouver les limites, cela se niche dans des interstices certainement minimes, difficiles d'accès, et c'est là où arrive notre boson W, puisque donc le 7 avril dernier, la collaboration du Collider Detector au Fermilab, après 10 ans de recherche, après l'analyse de 4 millions de collisions, là encore une fois c'est un travail titanesque, hein, puisque l'accélérateur en l'occurrence a arrêté de fonctionner depuis 2011, eh bien cette collaboration assure avoir trouvé avec une précision jamais atteinte la masse de ce boson W, une masse qui est donc plus grande que prévu. Est-ce que on est en train d'entrouvrir, on va prendre beaucoup de précautions épistémiques, Yann Stark, mais est-ce que cette légère différence que l'on va expliquer dans les minutes qui viennent pourrait être le point de départ d'un tout petit fil d'Ariane qui nous tirerait vers la fameuse nouvelle physique ou un nouveau, ou la complémentarité ou la complétude du modèle standard, appelez-la comme vous voulez. Absolument. Donc si jamais ce résultat est confirmé, et c'est sans doute un sujet sur lequel nous allons revenir, si ce résultat est confirmé, c'est une découverte majeure. C'est très clair que ce résultat n'est pas en accord avec le modèle standard et pointerait de façon certes indirecte vers l'existence de particules supplémentaires qui sont encore un peu en dehors de notre portée, mais qui pointeraient leurs doigts en modifiant un tout petit peu la masse du boson W. Ça serait effectivement la chose, la faille que nous physiciens des particules attendons depuis au moins 30 ans. Martin Boomkamp. Oui, donc je confirme ça. Les enjeux de cette mesure sont très très forts dans la mesure où, au-delà des particules qu'on a énumérées tout à l'heure, dont la découverte a en gros égrené les décennies précédentes, aucune des particules supplémentaires ou alternatives n'a été découverte. Donc il y a en physique des particules d'un côté un pan d'activité très important qui est justement la recherche directe de particules qui sont non prédites par le modèle standard. À défaut, ou de façon complémentaire plutôt, on peut essayer de mesurer ou de vérifier les propriétés, les prédictions du modèle standard de la façon la plus précise possible. Sachant que les nouvelles particules, si elles existent et si elles sont d'une masse qui ne nous permet pas de les observer à un instant donné, à l'instant présent disons, peuvent néanmoins infléchir un petit peu les relations prédites par le modèle standard. Et c'est ce genre d'effet que les gens qui se lancent dans une mesure de précision, comme celle de la masse du W, cherchent. Donc un résultat comme ça, c'est quand on s'attache à ce genre de travail, c'est le résultat dont on rêve, hein, quelque part. Parce que ça justifie a posteriori, bien sûr, toutes les années de travail que ça demande. Et on va continuer à explorer un peu ce boson W, comprendre, rappeler ce qu'il est, comprendre justement comment s'effectuent ces mesures, puisque c'est un travail, vous allez l'entendre, qui requiert une technologie et une précision assez impressionnante, et puis ouvrir la porte justement à ce que serait cette nouvelle physique qui serait ouverte justement par cette mesure toute récente et qui assure que la masse du boson est plus importante que prévu. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20, nous parlons donc du boson W en compagnie de Yann Stark et de Martin Boonkamp. Alors, vous l'avez entendu, on parle de modèle standard de la physique des particules. C'est un sujet que nous avons déjà beaucoup traité. On vous met d'ailleurs des liens en ce moment même sur les fils Twitter de nos émissions précédentes. On va pas reconstruire en entier ce modèle standard de la physique des particules. Peut-être, Martin Boonkamp, pouvons-nous repartir directement des bosons? On a beaucoup parlé du boson de Higgs, de ce boson W. Réexpliquez-nous exactement ce que sont les bosons et ce qu'on attend d'eux. Alors, en termes techniques, on a deux grandes classes de particules, hein, qu'on appelle les fermions et les bosons. Alors, pour éviter peut-être trop d'abstraction, les fermions, ça regroupe l'ensemble des particules de matière, celles qui peuvent s'empiler en quelque sorte, ou s'agréger, pour faire des objets plus complexes comme des atomes, des molécules et des structures plus importantes. Donc en gros, c'est la matière qui nous entoure, qui est composée essentiellement de fermions. Et puis, les interactions, donc l'interaction électromagnétique, l'interaction électrofaible, sont des phénomènes qui sont portés par la transmission de bosons, comme on les appelle. En gros, ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'au niveau élémentaire, quand on parle d'interaction entre particules, il faut imaginer deux particules qui sont au début de l'expérience à une grande distance l'une de l'autre, qui se rapprochent, typiquement parce qu'elles sont envoyées, ou on prépare des collisions si vous voulez, et puis quand elles sont suffisamment proches pour sentir leur influence mutuelle, elles échangent les particules d'interaction, qui peuvent être soit des photons pour les particules chargées, pour l'interaction électromagnétique, soit des bosons W ou des bosons Z. Tout est possible, quoi, en fait, dans ces interactions-là. Et donc, ce boson W, en l'occurrence, c'est le boson, le transmetteur de l'interaction. De l'interaction faible, des désintégrations radioactives. Voilà, l'interaction faible, c'est pour le dire à grands traits, la radioactivité. Alors, si on résume, c'est très simple, comme vous le disiez tout à l'heure, Yann Stark, il est extrêmement satisfaisant, ce modèle standard de la physique des particules, parce qu'il est extrêmement symétrique. Chaque fermion correspond à un boson, tout ça fonctionne remarquablement bien. Le photon, c'est l'électromagnétisme, hein, c'est donc le boson de l'électromagnétisme. Pour l'interaction forte qui permet au noyau atomique de rester bien unifié malgré justement les forces de Coulomb, malgré les forces électromagnétiques, on a le gluon. Et donc, on va les laisser de côté, on va parler des bosons W et Z pour l'interaction faible, donc pour la désintégration nucléaire. Pourquoi d'ailleurs y a-t-il deux bosons pour l'interaction faible? Yann Sark. Bah, j'ai pas d'explication simple, en fait. Peut-être il y en a même trois, le W plus, le W moins, et le Z. Donc tout ça, c'est issu des arguments de symétrie qu'on a évoqués. Donc pour satisfaire ces symétries, il en faut trois. J'ai pas d'image plus simple. Par contre, ce qui est ce qui est remarquable quand même, c'est le fait qu'il y a une version neutre, c'est-à-dire le Z, qui n'a pas de charge électrique, et une version chargée, les W+ et moins, qui participent, qui peuvent aussi donc émettre des photons. Ça a des implications assez importantes pour faire marcher à la fois la radioactivité telle que nous la connaissons dans la vie, bon, un peu de tous les jours, et d'autres interactions un peu plus subtiles, mais qui sont très importantes pour le fonctionnement de la nature. Un mot peut-être, Martin Bunkamp, sur la différence entre les bosons W et les bosons Z. Oui, alors le boson W, on peut dire qu'expérimentalement, c'est celui qu'on, en quelque sorte, qu'on voit depuis le début. Les désintégrations radioactives qu'on connaît depuis longtemps, depuis le 19e siècle, reflètent directement des échanges de cette particule. Donc après, d'interpréter ce phénomène qui est à très basse énergie, hein, c'est de la matière inerte, en gros, radioactive, qui émet ces particules-là à un rythme très lent, d'interpréter ces phénomènes-là comme l'échange d'une particule très lourde, évidemment, c'était en soi révolutionnaire. Mais donc cette particule-là a été, entre guillemets, observée de façon indirecte via la radioactivité depuis très longtemps. Le boson Z, il a été au départ introduit que comme une conséquence mathématique des arguments de symétrie dont parlait Yann. C'est-à-dire on n'avait pas besoin du boson Z pour expliquer des phénomènes qu'on connaissait. C'était simplement, comme Yann le disait au début, la théorie la plus simple et mathématiquement cohérente qui permettait d'expliquer la radioactivité en termes d'échange de boson W nécessitait aussi la présence d'un boson Z. Donc c'était vraiment juste une conséquence mathématique. Et c'est évidemment sidérant, hein, moi je trouve encore, que ce genre de raisonnements-là, qui sont vraiment mathématiques, donnent lieu à des observations dans la nature. Oui, ça fait partie, pour le résumer à grands traits, des prédictions stricto sensu mathématiques qui sont ensuite découvertes dans l'univers physique. On pourrait ajouter les ondes gravitationnelles, on pourrait ajouter les trous noirs, enfin bref, qui sont à l'origine des solutions mathématiques à des équations et qui deviennent des objets concrets. Alors, Martin Bunkamp, je vais vous poser une autre question. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître la masse de ces particules? Pourquoi déploie-t-on autant d'énergie, autant d'argent, autant d'efforts intellectuels pour connaître la masse exacte de ces particules? Disons, vu de très loin, ce qu'on essaye de faire en comprenant les interactions élémentaires entre particules fondamentales, c'est d'essayer de nous connecter à l'origine de l'univers. Pour la faire très très courte, ce qu'on reproduit dans les collisions de particules à très haute énergie, c'est les premiers instants de l'univers, et donc on échantillonne en quelque sorte le type d'interactions qui ont pu avoir lieu pendant cette phase. Donc ça c'est vu de très loin. Donc après, pour venir spécifiquement à la masse du W, suite à la construction du modèle standard dans les années 60, comme on l'a dit, il y a eu pendant 20, 30 ans et encore maintenant, en fait, beaucoup de calculs théoriques qui ont été, ou de temps de calcul qui a été investi, si vous voulez, pour comprendre toutes les implications mathématiques de cette théorie. Et notamment, là où cette théorie est prédictive, c'est que si on utilise un sous-ensemble de ces paramètres, et donc par exemple la masse du quark top, la masse du boson de Higgs, la masse du Z, l'interaction électromagnétique, on est capable de prédire tout un ensemble d'autres phénomènes. Et notamment, la masse du W est calculée de façon très précise en termes des autres paramètres de ce modèle. Et donc, à partir de là, l'enjeu, c'est de vérifier si ce calcul est confirmé par l'expérience, donc c'est par une mesure directe, ou si une mesure directe permet de l'infirmer. C'est-à-dire que si je le reformule, Yann Stark, on est dans la même logique prédictive, c'est-à-dire que tout cela, ça fonctionne remarquablement bien mathématiquement, mais ça fonctionne remarquablement bien à la condition que la masse théorique qui est proposée par le modèle de la standard des particules se retrouve, du coup, et puisse être calculée expérimentalement dans les accélérateurs. Oui, c'est correct. Donc les masses, le modèle standard de la physique des particules a quelques défauts, par exemple le fait qu'il y a beaucoup de paramètres libres, notamment beaucoup de masse des particules. Mais comme l'a souligné Martine, la masse du W est très particulière parce que elle est prédite vraiment de manière précise. De manière très précise. Quasiment avec une 10^-4 près, c'est extrêmement précis, à partir de mesures d'autres paramètres. Donc ça, c'est une prédiction en or, en quelque sorte. C'est un super truc qu'on peut vérifier. Et malheureusement, c'est très difficile. Donc, vérifier une prédiction à 10 moins 4 près, c'est-à-dire 0,0001, c'est très difficile de façon générale et aussi en physique des particules avec nos appareils. Alors, comment on fait justement précisément, Martin Bunkamp, pour mesurer la masse d'un boson? Donc on a besoin d'accélérateurs, certes, mais comment est-ce qu'on pèse, si on peut peser, un boson? Oui, alors... On ne le pèse pas, déjà. Non. Déjà, on ne le pèse pas, il n'y a pas de balance. C'est-à-dire qu'on... Le boson W, même si on en parle au singulier, n'est pas une particule unique. Hein. Ce qu'on fait, c'est on en produit des répliques en très grand nombre, hein, c'est-à-dire par dizaines de millions, typiquement. Et c'est l'étude de cet échantillon qui nous permet de remonter à la masse de cette particule. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il faut un accélérateur pour préparer les collisions qui permettent de produire ce boson W. Et puis, ce boson W, à peine produit, se désintègre dans des particules qui sont de durée de vie beaucoup plus longue, en fait, les particules habituelles qu'on connaît, c'est-à-dire l'électron, qui est la particule qui intervient dans les nuages électroniques des atomes, et puis son partenaire plus lourd, qui est le muon, qu'on connaît aussi en premier lieu à travers les rayonnements cosmiques, notamment. Et donc ces particules-là sont détectées dans les instruments que l'on met autour du point de collision où le W est produit et se désintègre. Et donc c'est là la mesure de ces particules-là qui permet de remonter indirectement à la masse du boson W. Et alors, si on pousse un tout petit peu plus loin la précision, il y a un problème particulier avec le W, c'est que le boson W, vous avez très bien expliqué, Martin Bunkamp, les procédés de désintégration, mais il va se désintégrer en un électron et en une autre particule qui interagit beaucoup moins avec la matière et qui ne peut pas être détectée, elle, c'est le neutrino. Donc c'est ce qui rend, je crois, à Ian Stark, la détection des bosons et justement ce calcul de la masse relativement compliqué, parce qu'il faut reconstituer une des parties manquantes de la désintégration, en quelque sorte. Pour la détection, c'est peut-être même un atout. Ah. C'est-à-dire, c'est relativement inhabituel d'avoir une particule comme le neutrino qui s'échappe complètement. C'est une signature qu'on ne peut pas détecter. Par contre, comment est-ce qu'on sait qu'elle est là ou qu'elle doit être là? On le sait parce qu'on mesure le reste de la collision. Et pour ceux qui connaissent, l'impulsion, la quantité de mouvement est conservée. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui s'échappe d'un côté, on voit un peu un excès de particules visibles de l'autre côté. Donc, c'est une signature qui est relativement rare dans nos collisions. Donc, ça nous permet justement d'identifier les désintégrations des bosons W. C'était très important pour les collègues au CERN, on en parlait en début d'émission, qui ont découvert le boson W. C'était une signature très frappante. Maintenant, on a vu des collisions dans lesquelles un W a été produit. Maintenant, nous souhaitons passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la mesure précise de sa masse. Et là, effectivement, avoir une partie complètement invisible de la désintégration qui s'échappe, ça, c'est pas bien. Du coup, on travaille avec la moitié de la désintégration qui est visible, donc le lepton, l'électron, ou le muon, par exemple, et on mesure très précisément ses propriétés. Ça marche relativement bien parce que les électrons et les muons, ce sont des particules qu'on connaît très très bien et on maîtrise très bien la mesure de leur énergie ou de leur quantité de mouvement. Un mot là-dessus, Martin Bunkamp ? Oui, c'est exactement la problématique. En même temps, une signature qui permet de sélectionner assez proprement les échantillons des particules qui nous intéressent, et en même temps le fait qu'on ne mesure que la moitié de sa désintégration, et donc il faut en quelque sorte calibrer la moitié manquante, quoi. Il faut inférer, trouver des méthodes pour inférer la moitié manquante. Le contraste avec le boson Z est très fort, parce que le boson Z, c'est une particule neutre, comme on a dit plus tôt, et donc il se désintègre en paires de particules chargées, donc typiquement un électron et un positron, ou alors un muon et un antimuon. Cette combinaison, ces désintégrations-là nous permettent également de les sélectionner de façon très pure, avec très peu de bruit de fond. Et dans ce cas, la paire d'électrons ou la paire de muons sont intégralement mesurées dans les détecteurs. Et du coup, on a accès pour chaque événement à la cinématique complète de l'événement. Donc c'est beaucoup plus simple, d'un certain point de vue. Et alors, donc, pour arriver finalement au résultat de la collaboration CDF, qui, je le rappelle, a été arrêtée en 2011, donc qui a détecté plus de 4 millions de bosons W entre 2002 et 2011, ça veut dire que c'est 10 ans de travaux et d'analyse de données. Quels sont, Martine Boonkamp, les résultats exacts auxquels ils aboutissent? Alors, comme Yann l'a dit, la masse du boson W, c'est une quantité qui est prédite dans le contexte du modèle standard avec une précision de 0,1 pour 1000. Et la mesure qui a été faite trouve une déviation par rapport à cette prédiction de un peu moins de 10 fois cette quantité, c'est-à-dire un peu moins de 1 pour 1000. Donc la différence entre la valeur prédite et la valeur mesurée, c'est à peu près 10 fois, un peu moins de 10 fois, l'erreur sur cette différence. Et donc c'est quelque chose qu'on considère d'un point de vue statistique comme très significatif. Alors quand on regarde de l'extérieur, on se dit, mais c'est vraiment 3 fois rien, c'est tout petit cette différence, c'est effectivement 10%. Bon. 10% sur une quantité que l'on peut citer, qui est la valeur du modèle standard, c'est 80357 mégaélectronvolts, et la mesure faite par le CDF, c'est 80433, plus ou moins, allez, disons plus ou moins 10. Donc on se dit que c'est quand même des échelles extrêmement petites pour mettre en péril le modèle standard. Martine Boonkamp. Oui, alors c'est pas 10%, hein, c'est 1 pour 1000. Oui, c'est 1 pour 1000, pardon, autant pour moi. Oui. Donc ça veut dire que c'est encore 100 fois plus petit que ce que vous disiez. Ouais. Et ce pour 1000 est à comparer avec un dixième de pour 1000, qui est la précision avec laquelle on fait la mesure ou la prédiction dans le cas du modèle standard. Donc effectivement, avant de prétendre arriver à une compréhension suffisamment de nos échantillons, des bruits de fond, des détecteurs, pour pouvoir citer une telle précision, pour pouvoir donner une telle précision, il y a des années de travail, une décennie. Hein. Yann Stark, sur le fait que ce soit tout de même des échelles extrêmement petites, mais néanmoins, comme vous le dites l'un et l'autre, statistiquement significatives. C'est ça l'aspect très important, le statistiquement significatif. Donc dans notre discipline, nous sommes très fiers d'avoir des analyses extrêmement quantitatives et nous passons peut-être la majorité de notre temps à estimer les incertitudes. Alors comment est-ce que vous pouvez voir les incertitudes? Imaginez que vous mesuriez la longueur de votre table à l'aide d'un mètre. Vous allez poser le mètre, peut-être vous regardez avec un peu de parallaxe, peut-être vous tirez un peu trop sur votre mètre, ça va le déformer, vous pouvez estimer, peut-être à un millimètre près, ça devrait être correct. Nous avons des procédures beaucoup plus rigoureuses et nous quantifions tous ces petits effets. Ce qui prend 10 ans, c'est pas trouver la valeur centrale, c'est de trouver le plus ou moins quelque chose, c'est-à-dire l'incertitude. Donc c'est pour ça que nous sommes sûrs, ou pensons être sûrs, quand nous trouvons des petites déviations. Si l'incertitude sur cette quantité petite est encore 10 fois plus petite, ça veut dire qu'il y a un vrai effet. C'est pas tellement la taille absolue qui compte, c'est notre certitude d'avoir trouvé une différence entre la prédiction et ce que nous mesurons. Ce qu'il faut dire, cette incertitude qu'on peut également appeler marge d'erreur. C'est une marge d'erreur. C'est une marge d'erreur. De cette mesure du CDF, elle associe de particulier qu'elle est effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petite. C'est-à-dire que ce résultat est beaucoup plus sûr que de nombreuses mesures qui avaient été effectuées jusqu'à présent. C'est tout à fait le cas. Donc, d'ailleurs, Martine et moi-même, nous avons travaillé sur des expériences concurrentes qui ont effectué la même mesure. Donc, nous, sur Atlas, au CERN. Sur Atlas et pour Martine et à D0. Donc la manip juste à côté, juste en face de CDF sur le même accélérateur pour moi, et nous compatissons avec tout le travail qui a été effectué. Un mot peut-être là-dessus également, Martine Boonkamp, pour dire que cette mesure-là, effectivement, il y a d'autres mesures plus anciennes qui avaient trouvé effectivement des masses également plus importantes, mais avec des marges d'erreur énormément plus importantes. également. Alors, oui, alors là vous touchez du doigt un des sujets de discussion qui agite les salles de conférence en ce moment. Donc, c'est un paramètre, évidemment, qui est mesuré dès sa découverte. Hein. C'est-à-dire que quand le boson W a été découvert dans les années 1980, est venue tout de suite une première estimation de sa masse. Et à l'époque, je crois que c'était pas loin de 10%, effectivement, la précision. Et puis, cette mesure a été lentement raffinée au fil des collisionneurs et des expériences pour atteindre, disons, en 2015-2017, les deux dernières mesures avant celle de qui vient d'être publiée avaient une précision de 2 à 3 fois moins bonne que celle de CDF. Donc ça, c'est un aspect. Donc CDF vient de publier une mesure qui, à elle seule, est 2 fois plus précise que les meilleures mesures précédentes qui ont été faites. Et donc, on a déjà revenu assez longuement sur le fait qu'elle était en désaccord avec la prédiction du modèle standard. L'autre point qui est important, évidemment, c'est que cette mesure-là est aussi en désaccord, je ne sais pas encore le quantifier, mais au moins pas en accord parfait, disons, avec les mesures qui ont été faites précédemment. On va continuer à discuter de ce boson W, de sa masse qui pose problème. On va essayer de comprendre également s'il y a des doutes ou comment on peut comprendre ce résultat, quelles sont les portes qu'il ouvre sur le futur de ce modèle standard de la physique des particules. Ce sera dans quelques secondes musicales. Direction de Yana Valdevit à 16h40 sur France Culture. Nous parlons du boson W et du problème de sa masse trop importante détectée au début du mois d'avril, en tout cas dont la détection a été annoncée au début du mois d'avril. Nous en parlons avec Yann Sark, qui est directeur de recherche CNRS et directeur du laboratoire des Deux Infinis de Toulouse, et Martin Boonkamp, qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers du CEA à Saclay. Et on va faire donc un petit pas de plus dans la physique des particules, puisque étudier la masse du boson W, c'est donc étudier son interaction avec le boson de Higgs, étant entendu que c'est ce boson, le Higgs, qui donne leur masse aux autres particules. Direction donc le laboratoire astroparticules et cosmologie de l'Université de Paris, où des chercheurs travaillent sur l'analyse des mesures réalisées dans l'expérience Atlas du CERN sur le couplage du boson de Higgs avec les W et Z. Et c'est votre reportage du jour, Céline Lozen, bonjour. Bonjour Nicolas. Oui, alors comme les particules acquièrent leur masse en interagissant avec le champ de Higgs, eh bien plus une particule interagit avec le boson de Higgs, et plus ce couplage est intense et plus sa masse est élevée. Donc comprendre l'anomalie sur la mesure de la masse du boson W pourrait se faire aussi en étudiant plus précisément son couplage avec le boson de Higgs. Au laboratoire APC, Giovanni Marchieri analyse ce phénomène à partir de mesures faites sur l'expérience Atlas du CERN, et puis il se prépare déjà sur la suite, sur l'amélioration du détecteur et sur la prochaine expérience. Les modèles standards est une théorie assez prédictive. Donc, il y a une relation précise, prédite par les modèles standards, entre la masse des particules et le couplage de ces particules au boson de Higgs. Comme les particules obtiennent leur masse à partir de l'interaction avec les champs de Higgs, plus une particule interagit avec le boson de Higgs, donc plus son couplage est fort et plus elle est élevée sa masse. Donc, Pour les particules de matière, la théorie prédit un couplage qui est proportionnel à la masse de ces particules. Et pour les particules comme les bosons W ou les bosons Z, qui sont les liens, la colle entre les particules élémentaires, la théorie prédit que les couplages soient proportionnels au carré de la masse du boson W ou Z. Donc, en mesurant ces couplages et en les comparant avec les prédictions de la théorie, effectivement, on peut voir si les modèles standards tiennent et correspondent aux observations qu'on fait au LHC. Donc là, vous nous présentez un graphe qui présente les résultats récoltés à l'issue des mesures Atlas. Ça, c'était le deuxième run. Oui, ça, c'est un graphe qu'on a obtenu utilisant les données du deuxième run du LHC qui a eu lieu entre 2015 et 2018, où on met sur ce graphe, sur l'axe X, la masse des différentes particules pour lesquelles on a réussi à mesurer le couplage avec les bosons de X, et sur l'axe Y, l'intensité du couplage qu'on a mesuré pour les particules de matière ou la racine carrée du couplage pour les particules médiatrices dans l'interaction. Et on voit bien que, effectivement, les points correspondant aux différentes mesures pour les quarks top ou bottom, pour les leptons tau ou pour les bosons WZ, ils s'alignent sur la même ligne qui correspond à la prédiction du modèle standard. Donc cette droite est cohérente avec donc pour l'instant avec les prédictions. Ouais, pour l'instant tout est cohérent. On a encore deux phases de prise des données devant nous qui nous permettront d'améliorer la précision de la mesure et voir si tout continue à coller avec la prédiction de la théorie ou s'il y aura des déviations par rapport à ça. Est-ce qu'on pourrait se pencher sur le dispositif pour bien qu'on comprenne comment on peut récupérer ces produits de collision ? Oui, donc les détecteurs Atlas, dans son intégralité, c'est un grand bâtiment, ouais. Voilà, de 25 mètres d'auteur, donc comme 7 étages d'un immeuble, 46 mètres de longueur, mais il est composé par plusieurs sous-détecteurs, donc qui sont l'un dans l'autre, comme des couches d'un oignon, disons, et chacun est dédié à la reconstruction et l'identification des différents types de particules. Donc, par exemple, un détecteur qui s'occupe d'identifier des muons, un autre détecteur qui s'occupe de reconstruire les traces qui sont produites par des particules chargées. Et donc, sur ces 25 mètres de hauteur, il y a des détecteurs qui ont des tailles assez différentes. Donc, tout à l'intérieur, il y a un détecteur de quelques dizaines de centimètres de diamètre, dont la couche la plus interne est juste à 2-3 centimètres des points d'interaction où les protons du LHC se croisent et rentrent en collision. Alors justement, vous avez beaucoup travaillé sur la partie analyse de ces mesures passées, et là vous travaillez aussi sur un côté plus expérimental, à améliorer, affiner peut-être le détecteur pour réduire la marge d'incertitude. Effectivement, avec les RAN 3 qui viennent de démarrer, parce que les LHC qui produit les collisions que nous analysons ensuite, les LHC vient de redémarrer pour sa troisième phase de prise de données et qui va s'achever dans 4 ans. Et à la fin de cette troisième phase de prise de données, les LHC aura atteint la fin de sa première phase, mais ensuite il y aura une deuxième phase que nous appelons la phase haute luminosité de l'HC qui se prépare depuis longtemps et qui va être préparée pendant les prochaines années jusqu'à 2027-2028. Et ensuite, cette phase permettra de multiplier par un facteur 10 la quantité de données. Et effectivement, pour cette phase haute luminosité, il y aura des travaux d'un côté sur l'accélérateur pour atteindre une intensité des faisceaux et donc un taux de collision plus élevé qu'actuellement. Pour l'instant, il faut dire que la mesure plus précise que nous avons des propriétés des bosons de X, et elle a une précision d'environ une part sur 1000. Et pour améliorer ce genre de mesures, il nous faudra du temps, il faudra du temps pour avoir plus de données et aussi du temps pour avoir un détecteur amélioré. Mais il y a aussi déjà maintenant, on démarre la réflexion pour des manips après les LHC. Donc mon équipe, par exemple, est impliquée dans l'étude des faisabilités et des sensitivités pour des mesures des propriétés du boson de Higgs avec un collisionneur futur d'une longueur d'environ 90 km pour faire d'abord collisionner des électrons et des positrons et produire des bosons de Higgs dans un environnement beaucoup plus propre que celui de l'HC et qui devrait nous permettre de faire des mesures des propriétés de bosons de Higgs plus précises que celles permises par l'LHC. Voilà le reportage du jour et ses liens, ses études autour des liens entre le boson de Higgs et le boson WZ. Rapidement une réponse ou en tout cas une réaction à ce que vous venez d'entendre, Yann Stark. Donc vous avez vu, nos projets en physique des particules sont des projets qui de longue haleine. Par exemple, l'exploitation du LHC a commencé en 2010, elle va continuer jusqu'en 2040. Et c'est très bien pour nous de pouvoir travailler en parallèle sur la génération suivante des expériences. Donc cet aspect-là que Giovanni a décrit, on réfléchit en même temps, qu'est-ce qu'on va faire après ? On va passer des collisions hadron-hadron au LHC à quelque chose d'expérimentalement beaucoup plus propre dans le collisionneur suivant. C'est un aspect extrêmement important, c'est très bien que vous avez pu le souligner. C'est-à-dire passer de la collision de noyaux atomiques à des collisions d'électrons et d'anti-électrons qu'on appelle également les positrons et qui produisent, on va le dire rapidement, moins de bruit. Voilà, ce sont des points mathématiques, voilà, ça entre en collision, ça disparaît, énergie pure, il n'y a pas mieux. Martine Boonkamp, un mot pour ouvrir un peu la porte, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. Quelles sont les options maintenant que vous avez, vous autres physiciennes et physiciens des particules, quant à ce problème lié à la masse du boson W? Quelles sont les solutions ou quelles sont les portes qui s'ouvrent désormais? Si vous voulez parler d'interprétation théorique, par exemple, de cette différence. Oui. Donc, en fait, quand on fait ce genre de mesure, on peut catégoriser les résultats sous trois régimes un peu différents. On a un premier cas de figure qui est celui dans lequel la mesure sort de façon très précise en accord avec le modèle standard. Donc ça, c'est quelque part un succès pour le modèle standard. Dans ce cas-là, ça ne nous donne pas, si vous voulez, de pistes très concrètes sur la poursuite de notre programme de recherche en physique des particules. La deuxième catégorie de résultats, c'est si on observe une différence qui est comme ça très significative et aussi suffisamment forte en termes de valeur pour que les particules qui soient compatible avec un tel écart de masse, puisse être produite dans la prochaine génération, la future génération de l'accélérateur. Donc il semblerait qu'on soit, toute précaution gardée évidemment quant à la confirmation de cette mesure par des résultats indépendants, hein, il semblerait qu'on soit dans ce cas de figure, c'est-à-dire une affirmation du modèle standard qui soit suffisamment forte pour, si elle est confirmée, justifier et nous aider à définir assez proprement, précisément, nos programmes de recherche futurs. C'est ça. C'est-à-dire que pour résumer ou pour le redire d'une façon différente, si finalement ce résultat-là, il va influer directement sur la construction des prochains grands accélérateurs de particules, comme ça a été le cas d'ailleurs avant, hein, puisque le LHC a été construit pour découvrir Higgs. Là, du coup, ce problème de masse du boson W devrait infléchir certainement les programmes de recherche futurs et peut-être le FCC qui sera le grand collisionneur futur du CERN de 100 km de circonférence. Exactement. L'ensemble des collisionneurs présents et passés ont été construits avec des motifs très bien définis. Hein. Donc le collisionneur qui a donné lieu à la découverte du W et du Z a été construit dans ce but. Le Fermilab, le Tevatron à Fermilab a été construit entre autres dans le but de mettre en évidence le quark top. Le collisionneur LEP à Genève a été avec pour but principal la mesure très précise des propriétés du Z, et le LHC a pour objectif principal la découverte et l'étude du boson de Higgs. Et donc, dans ce contexte, notre communauté est à la recherche, si vous voulez, d'indices, de directions pour le futur, une situation expérimentale où on ne trouve jusqu'à ce jour pas de particules au-delà de celles qui sont prédites par le modèle standard. On commence à être un petit peu, si vous voulez, pas à court d'idées, mais à court de direction, quoi. Et quelle serait la meilleure, entre guillemets, quelle serait la meilleure option possible pour le futur. Et un résultat comme celui dont on discute aujourd'hui est typiquement quelque chose qui pourrait permettre de nous aider à concevoir une telle machine. Mmh. Alors, Yann Stark, qu'est-ce que ça voudrait dire? Comment est-ce que cet écart de masse pourrait laisser la place à une autre particule? Ça veut dire qu'il y a des particules peut-être encore plus petites, encore qui interagissent encore moins avec... Comment est-ce qu'on peut le comprendre? J'aime pas l'expression particules petites. Les particules, pour nous, ce sont tous des particules élémentaires, des points mathématiques sans structure interne. Par contre, ce qui est très frappant, il y a des particules de masse très très différentes. Et avec l'énergie qui est disponible dans nos instruments, par exemple le LHC d'aujourd'hui, bon, il y a une certaine énergie que nous injectons et qui peut être utilisée en partie pour fabriquer des nouvelles particules jusqu'à une certaine masse. Donc le boson de Higgs, il est dans la gamme permise, c'est comme ça qu'on l'a trouvé. Par contre, nous pensons très fortement qu'il existe des particules beaucoup plus lourdes, encore beaucoup plus massives, qui seront tout simplement hors de la portée du LHC. C'est-à-dire, il faudrait plus d'énergie que le LHC n'est capable de fournir. Ces particules, on pourrait les voir de façon virtuelle. C'est la mécanique quantique, c'est un peu bizarre, c'est pas comme la vie de tous les jours, mais un boson W peut en quelque sorte, pendant un temps infiniment court, émettre une particule tellement lourde, ça viole un peu l'énergie en quelque sorte, la conservation de l'énergie, mais seulement pendant une période très courte. Et c'est comme ça qu'on pourrait sentir de façon très indirecte la présence de ces nouvelles particules. Et se convaincre qu'elles existent et avoir une idée où chercher. Quelle est la masse? Jusqu'à où est-ce que je dois viser en énergie avec mon prochain collisionneur? Ouais. Ça, c'est important. Oui, parce que c'est assez contre-intuitif, Martin Bunkamp, mais effectivement, plus les particules sont lourdes, plus elles sont difficiles à produire et à détecter. Oui, oui. Et alors ça résulte aussi de la conservation de l'énergie dont parlait Yann au début de l'émission. Pour produire une particule de masse donnée, il faut qu'on fasse entrer en collision des faisceaux qui ont chacun typiquement la moitié de l'énergie correspondante. Et donc, si on doit aller chercher une particule 10 fois plus lourde que celle qu'on connaît aujourd'hui, il faut aller construire un accélérateur qui soit 10 fois plus puissant. Et donc, typiquement, également 10 fois plus grand en taille physique. Et c'est ça la difficulté, hein. C'est-à-dire que dans notre discipline, plus on avance, entre guillemets, plus les projets sont importants, ils sont longs à concevoir, longs à construire, leur taille est de plus en plus grande et la durée de conception et d'exploitation est de plus en plus importante. Donc, comme l'a dit Yann, hein, le LHC aura fonctionné à la fin de sa vie pendant 30 ans, ce à quoi il faut rajouter une trentaine d'années de conception, peut-être pas tout à fait 30, mais disons 25. Donc c'est un demi-siècle, hein, un projet comme ça. Donc avant de se lancer dans le prochain demi-siècle de recherche expérimentale en physique des particules, il faut savoir où on va. Et ce genre de mesure est importante dans ce contexte. Aujourd'hui, le rétroplanning du FCC, donc le futur très grand collisionneur électron-positron certainement du CERN, il est signé. On sait à peu près quand ça va se faire, à quelle échéance et quand ça va se terminer. Martin Bunkamp. Il est pas signé, non. C'est la volonté très forte de la communauté européenne de physique des particules qui se rassemble autour de son laboratoire phare, hein, qui est le CERN. Et donc il y a énormément d'études qui vont dans le sens de la conception et du planning, comme vous dites, d'une telle machine et des expériences qui vont avec. Typiquement, si jamais on arrive à se décider en faveur d'un tel projet, c'est quelque chose qui commencerait dans les années 2040 et qui nous emmènerait plusieurs décennies plus loin. Ça veut dire peut-être pas de production de nouvelles particules exotiques avant 2060, 2070, peut-être 2080. Ben, c'est la difficulté, oui, de la discipline. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de sujets dont nos enfants, nos petits-enfants, si on arrive à les intéresser, s'occuperont. Eh ben, écoutez, on espère que cette émission aura réussi ou contribué à les intéresser ou intéresser nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaissaient pas le boson W. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous en parler. C'était tout à fait passionnant. Merci Yann Stark. Merci Martin Boonkamp. La méthode scientifique, c'est Loïc Dutoit, Eve Etienne, Amel Boucherka, Nomina Guitsin-Vulfran, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Hélène Trigoros à la réalisation, Grégory Wallon à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, en réécoute sur franceculture.fr et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, et pas moins, jusqu'à preuve du contraire.